On va parler de patinage de vitesse sur côte de piste. Il y avait une compétition en fin de semaine, deux compétitions en mettant en vedette des patineurs de Saint-Félicien. Et on parle avec David Simon. Salut David. Bonjour. David, il y avait également des compétiteurs, également des patineurs de Boom-Sisney qui étaient là également. Donc, De Boom-Sisney, c'est ça, du clos du lac Saint-Jean, oui, on c'est va ça. commencer avec ce qui s'est passé à Laval. Il y avait trois patineurs du haut du lac qui étaient là. Ben, trois patineurs du lac. Une, milieu du lac, on pourrait l'appeler, au secteur d'Alma. Ouais. Mais oui, on a eu trois patineurs. Donc, c'était notre championnat québécois par catégorie d'âge. C'est un championnat qui était important pour eux autres parce que les trois premiers patineurs de chaque catégorie étaient classés au niveau championnat canadien. On va peut-être avoir d'autres places au niveau de la cinquième place pour certains. Donc, c'est pour le championnat canadien de l'Est du Canada, un peu l'importance de chaque catégorie. Il y avait trois places à chacune. Donc, il y avait les 11 ans, les 12 ans, les 13 ans et les 14 et 15 ans. OK. Donc, on avait plusieurs catégories là-dedans. On avait plusieurs représentants de la région, dont trois, comme tu parlais, du lac Saint-Jean. Oui. OK. Qui s'est distingué? On a eu une première patineuse, en fait, la patineuse qui s'est vraiment distinguée, une petite Anaëlle Lapointe, une nouvelle patineuse de 12 ans de la région d'Alma. Elle est terminée deuxième, donc elle a eu un beau laissez-passer pour le championnat canadien qui va se passer à Lévis à la fin du mois. Et aussi dans la même catégorie, on a une autre fille, donc Léa Morel de Saint-Félicien. Léa Morel, une nouvelle patineuse Ah, que je c'est la première connaissais fois que pas en j'entends fin de parler d'elle, semaine. moi. Oui, c'est une première fois que je l'entendais parler. Elle était au niveau interrégional, c'est sûr qu'on entend moins parler un petit peu. Mais quand même une quatrième position pour une première expérience, c'est très bien. Léa, je pense que l'année prochaine, je devrais l'avoir un petit peu plus. Donc, j'ai hâte de la connaître un peu à ce niveau-là, parce Quel qu'elle a âge quand qu'elle a, même à peu réussi à près? se classer. Elle a 12 ans. C'est une petite fille de 12 ans. 12 ans, donc OK. même qui est. Donc, ça nous montre une nouvelle génération de filles Ben au oui. niveau du lac Saint-Jean. Moi, je n'en ai pas beaucoup au Saguenay, fait que ça t'en fait plus pour la région. Fait que c'est parfait, on voit que ça s'en vient. Et après ça, on a un autre patineur, donc chez les 13 ans garçons, Alexandre Simard. Alexandre, t'es un petit peu déçu, comme j'ai entendu parler sur Facebook par son entraîneur. Mais il a réussi une 9e position quand tout de même. Il y a eu des petites péripéties en fin de semaine. Il n'a pas eu l'objectif qu'il voulait un peu de se classer au championnat canadien. Il aurait été capable, mais il y avait beaucoup de. C'était difficile à savoir aussi parce que nous, on était comme trois secteurs au niveau interrégional, donc le premier niveau de provincial au Québec. Fait que comme trois secteurs, fait que là, les trois secteurs étaient réunis parmi les meilleurs. Fait que savoir qui on est, où on se situe, c'est difficile. Puis Alexandre, je pense qu'il a quand même fait un bon top, mais il s'est ramené quand même le dimanche. Il a fait une très grosse compétition puis s'est ramené en 9e position. Donc, très belle performance que de lui. Puis c'est le premier événement aussi majeur où ce que le stress est présent. Pour lui, là, je pense. Fait que plus on en fait, plus on va être capable d'être performant. Fait que Alexandre, comme je regardais dans les résultats, il aurait été capable quand même de se positionner dans les vagues-là s'il a arrêté à son 100%. Fait qu'on va établir ça. C'est peut-être un travail qu'on va faire avec lui dans les prochaines semaines, dans les prochaines années. Donc, pour Alexandre, c'était sa 9e position. OK, dis-moi maintenant, parle-moi du côté de Trois-Rivières maintenant. Il y en avait plusieurs qui étaient là, Oui. puis Karina Montmagny. On avait, en fait, en fin de semaine, chez les personnes du lac, on avait Karina Momini, on avait après ça la petite Léonie Bradette de Saint-Félicien, on avait après ça, on avait notre gang de Saint-Félicien, on avait beaucoup, la plupart des filles viennent de cette région-là, Karina Momini de Lebeau, par exemple, on avait après ça Mélina Tremblay de Saint-Félicien, on avait aussi Marianne Guy de Saint-Félicien. Donc, plus de l'adorer, si on pourrait dire. Fait que, on avait plusieurs patineuses quand même. Très Mais bon Catherine qui résultat était dans pas là, hein? l'ensemble. Catherine était pas là, par exemple. Catherine, elle était absente. J'ai pas su. Est-ce que t'es là? Est-ce que tu es là toujours? Certains temps. Fait que Oui, je savais pas donc. ce qui se fait de nos patineuses, mais on a quand même bien sorti, là, quand même, tout de même. Fait Je t'ai perdu, que, nos Bruno. Fait patineuses. que, pas Bruno, mais David. Donc, reviens-moi avec Oui. le dernier segment, s'il te plaît. Oui, en fait, c'est ça. On a eu, moi, étant donné que j'avais pas la glace olympique, c'était difficile à voir comment qu'en vitesse j'allais être capable de maintenir mes patineurs. Par exemple, ceux qui sont au niveau national, ils ont été patinés quand même une fois par semaine au Québec pour faire de la vitesse. Fait que je savais pas où me situer. Ils ont eu quand même les meilleurs résultats de l'année, là, personnellement. Du côté de Léonie Bralette, qui est présentement à Montréal, c'est la meilleure patineuse du Lac Saint-Jean qu'on a eue. Donc, une 13e position. C'est très bien. Donc, Léonie, en plus, ça préparait un peu pour les sélections nationales seniors. C'est environ les mêmes patineuses qu'elle avait rencontrées. Très grosse compé, très agressive. Puis, elle est tout le temps en progression cette année. Suite à une commotion, là, depuis le début de l'année, on est revenu. Puis, là, elle progresse très bien. Puis, j'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va donner aux sélections seniors dans 2 semaines à Montréal. Okay. Après ça, on a eu, le deuxième meilleur résultat, c'est Karina Momini. Elle aussi a patiné contre ses patineuses-là du nouveau senior. Une 18e position. Meilleur résultat cette année, je pense, en compétition. Puis elle a réussi aussi à sortir dans chaque course. Donc, des belles choses. Donc, battre la plupart des filles qui étaient supposées battre habituellement, c'était la première fois. Donc, ça lui a donné une petite motivation. Puis elle aussi, elle va participer aux sélections seniors à la fin de l'année, là, ou à Laval. Donc, dans 2 semaines. Donc, pour moi, c'est une belle compétition pour voir ce que on était, le niveau ce qu'on était rendu. Il reste à peaufiner quelque chose avec la glace olympique qu'on va avoir cette semaine. Je vais pouvoir continuer à travailler à cet élément-là. Tu dois être content en passant. Ouais, j'ai hâte, oui. Comment vous vous êtes débrouillé finalement? Ben, en fait, on est allé à l'aréna de l'université. Okay. De l'ICAC. On était transféré là. On a perdu peut-être environ 20% d'heures. Okay. Sauf que moi, en fin de saison, pour moi, c'était moins tannant un petit peu parce que je suis capable de m'ajuster avec le volume. On est plus en peaufinage. Fait que on a fait un hors-glace de plus. On est allé à Québec aussi une couple de fois. Fait que ça m'a permis de changer un peu des choses. Sauf que l'élément blessure peut-être plus là. J'ai eu quatre situations qui étaient assez décevantes pour certains patineurs. Là. Donc, j'ai eu 4 blessures, dont une majeure là, qui, sur une glace comme ça. Je peux pas faire les mêmes choses. Les patineurs n'ont pas les mêmes feelings, pas les mêmes sensations. Puis nous, comme on est un gros groupe d'entraînement, ça paraît. Okay. Mais on s'est arrangé. Là, la troisième semaine, on a été capable de s'ajuster. Puis les patineurs ont plus leur feeling. Un peu comme le junior majeur qui tombe sur une grande glace, petite glace. Nous, il faut s'ajuster aussi. Mmh. Fait que ça s'est quand même bien fait. Fait que à ce niveau-là. Puis par la suite, j'ai d'autres résultats là, donc dont Marianne Guy. Marianne Guy 21e position, son meilleur classement cette année. Marianne, donc très contente pour elle. Elle va aller au championnat québécois à la fin de saison. Donc elle avait des doutes au niveau de savoir si c'était encore bonne, puis des choses comme ça. Mais elle a prouvé en fin de semaine qu'elle était capable, puis que prendre une nouvelle approche de compétition pour elle, c'était essentiel. Puis elle s'est amusée là-dedans, elle a pris sur un autre aspect de ses courses, de pas aller chercher la performance absolument, le résultat que tu veux absolument, c'est d'y aller par étapes. Puis elle a bien compris ça, puis c'est une de mes vétérantes aussi. Donc, il y a une belle démonstration là, de persévérance pour elle. Puis, donc, c'est une 21e position, c'est très bien. Les patineuses, on est tous sur le même groupe, ils sont 60 environ. Fait que pour moi, c'est bon. Et après ça, on a Mina Tremblay de Saint-Félicien. Donc, Mina, une jeune patineuse de 15 ans. Donc, c'était ma plus jeune que j'avais dans cette catégorie-là. Donc, elle, 26e position. Les positions, nous autres, c'est le cumulatif de toutes les courses, mais c'est arrivé souvent qu'elle est en finale en même temps que Karina ou en même temps que Marianne. Donc, ça montrait qu'elle était quand même en progression. Elle a battu 20 positions, son meilleur résultat de cette année. Oui, monsieur, c'est quand même bien. Une très belle progression, on prend la confiance. Puis sa sœur, un peu, était toute, ces deux sœurs là, dont une qui fait partie de l'équipe nationale de développement. Donc, c'est une motivation. Puis on a fait beaucoup de vidéos. Dont l'autre sœur aussi, Léane Tremblay, une autre patineuse que j'ai eue, elle était... C'était mon assistant de coach en fin de semaine, fait qu'on peut faire beaucoup de vidéos. Fait que c'était drôle de voir les trois se parler. Sa sœur qui fait partie du développement. C'est Rosalie Tremblay. Présentement a une grosse blessure, puis elle s'est fait opérer cette année. T'es en convalescence encore, mais elle était là présente. Fait que c'est un beau support pour elle, puis pour nos patineurs aussi, parce qu'ils nous ont aidés là, avec la caméra, vidéo, faire les retours sur les courses, des choses comme ça. Fait que c'était très bien. Puis donc, mon assistant entraîneur aussi, Léon Tremblay, qui était avec là, qui était là. Donc, on a eu du plaisir, en fait. C'était super le fun. Prochaine compétition, on tombe, moi, dans les grosses compétitions majeures. Donc, ma prochaine, présentement, ça tombe au championnat canadien junior pour la plupart des patineurs de la région, là, de mon niveau. Et après ça, l'autre majeur qu'on a, c'est les sélections seniors. Donc, 2 grosses compétitions pour au niveau canadien. Donc, on va à Calgary pour une gang. Puis l'autre gang, on va dans la même fin de semaine à Laval. Et par la suite, on a notre championnat québécois de fin de saison pour ces patineurs-là. Donc, eux, leur fin de saison va se terminer au début avril et notre saison va terminer par la suite. Okay. Donc, on tombe à notre période estivale par la suite. Donc, on va se parler quoi la semaine prochaine? Moi, je vais revenir de Calgary autour du 20, le dimanche, je ne me pas le 21. Mais donc, on peut se parler de Calgary. Je vais pouvoir t'en parler. On peut se parler de Calgary, moi, j'ai pas de problème. Oh, c'est un problème, on peut se parler de Calgary, là. On pourrait parler peut-être, Je vais être là le dimanche, en fait, autour du 25, excuse-moi, là, autour okay. du 25, on passe à parler là. Okay. Puis on passe à parler par la suite pour l'autre fin de semaine au mois d'avril. Là. Ben David, un gros, gros merci. On se reparle dans deux semaines avec la compétition. Merci beaucoup. David Simard, du Centre Marc Gagnon de Chicoutimi.